Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, 9e instruction, pour la fête de la purification de Marie le 2 février. Le patriarche Jacob demeurait saisi de frayeur et d'épouvante en songeant à la haine que son frère Ésaü avait conçue contre lui. Il sait qu'Ésaü vient tout armé à sa rencontre, dans la ferme résolution de se venger d'une manière éclatante. N'ayant que des forces insuffisantes à opposer à un si redoutable ennemi, il doit naturellement s'attendre à un désastre complet. Que fera donc le prudent et sage exilé pour éluder le danger? Il cherche à apaiser, le mieux qu'il peut, la colère d'Ésaü. Pour cela, il divise sa faible armée de femmes et d'enfants, et les envoie par petites troupes à la rencontre du frère courroucé. Il réserve en dernier lieu la belle Rachel, avec l'aimable et innocent Joseph, afin de toucher, s'il est possible, ce cœur irrité. L'expédient réussit à merveille. Ésaü vit d'abord, sans être ému, les diverses troupes qui le saluèrent en s'inclinant profondément en sa présence. Il poursuivait sa marche toujours animé de la même fureur. Enfin se présente la belle Rachel avec l'innocent Joseph. À peine les a-t-il aperçus, qu'on le voit à l'instant changer de visage. De féroce qu'il était, il devient doux et affable. Il court embrasser son frère et fait avec lui une paix solide et sincère. Voilà un emblème touchant de ce que nous voyons se renouveler en ce jour d'une manière bien autrement prodigieuse et extraordinaire. Le genre humain tout entier tremblait bien plus que Jacob, en songeant à la juste colère du Dieu de majesté qu'il avait irrité contre lui. Les misérables enfants d'Adam tâchaient de calmer le Seigneur par des oblations et des sacrifices, l'inimitié cependant subsistait toujours. Mais à peine Marie, si bien dépeinte dans Rachel, tenant entre ses bras son cher enfant, figuré par Joseph, parut-elle devant la majesté divine, que le Seigneur, à l'instant, changea de disposition et d'aspect. Il est apaisé, il oublie toutes les offenses passées, pour courir embrasser l'homme jusqu'alors son ennemi, il fait la paix avec lui, et il s'établit entre eux une amitié parfaite et durable. Quel motif n'avons-nous donc pas, mon cher frère, et de nous réjouir, et de rendre tant au Dieu de majesté, qu'à notre puissante avocate, mille tribus de louanges. Livrons-nous à la joie qu'inspire cette sainte fête, chantons des hymnes de louanges au Père des miséricordes, des hymnes de louanges aux doux enfants Jésus, des hymnes de louanges à Marie, sa tendre mère. Voilà quels doivent être les premiers sentiments que le retour de la solennité de la purification de Marie doit exciter dans nos cœurs. Toutefois, cela ne me satisfait pas, je désire que nous retirions d'autres avantages spirituels de la considération de ce que fit Marie en ce jour, et de la fête dont l'Église propose la célébration à tous ses enfants. Le fruit le plus approprié est à la fête, et aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, doit être, ce me semble, celui d'une sainte et invincible générosité, telle que nous ne nous laissions entraîner par le respect humain, ni à omettre ce qui pourrait concourir à la gloire de Dieu, ni à faire ce qui pourrait l'offenser. Nous ne devons pas craindre le jugement des hommes au point de négliger ce qui peut plaire à notre Dieu. Et beaucoup moins devons-nous le craindre jusqu'à faire ce qui est de nature à déplaire à sa divine majesté. Attention, mon cher frère, à ce que je vais dire, et commençons sous les auspices de Jésus et de Marie. Je demande donc en premier lieu, Marie était-elle obligée de se présenter au temple en ce jour, pour sa purification? Tous les théologiens, tous les interprètes, tous les saints pères, N'ont qu'une voix pour me répondre que non. Cette réponse est plus que suffisamment fondée sur le contenu de la loi qui prescrivait la purification. Voyez saint Thomas et Benoît XIV, Infesto Purification Bienheureuse Vierge Marie numéro 2 et suivant. Je ne m'étends pas à analyser les paroles de cette loi, qui sont assez claires par elles-mêmes pour quiconque est à même de les lire. Je me contente de rapporter ici les paroles de saint Thomas, de même que Jésus, dit-il, bien que n'étant pas tenu à la loi de la circoncision, voulut néanmoins être circoncis. Ainsi Marie voulut se purifier, encore qu'elle ne fût pas obligée à la purification, ibidem. Mais pourquoi donc voulut-elle se transporter au temple pour se purifier, elle qui n'avait rien d'impur? Pourquoi, je vous le dirai après saint François de Sales, ce fut pour ne pas s'écarter d'une pratique suivie par les autres femmes de sa nation, et pour nous apprendre par son exemple à ne nous départir jamais des observances communes de la religion, encore que nous n'y soyons pas strictement tenus. Ce n'est certes pas un amour bien fort que celui qui ne peut nous porter à faire la moindre chose pour plaire à l'objet aimé, si nous n'y sommes contraints par un précepte formel, sanctionné par une peine terrible contre quiconque ne l'exécute pas. L'amour véritable et fervent n'étant pas les préceptes, et beaucoup moins les menaces, il lui suffit de savoir qu'en faisant telle chose il répondra au désir de l'objet aimé. Il n'a pas besoin de stimulants extérieurs qui l'excitent à agir, celui qui porte dans son cœur le puissant aiguillon de l'amour. Quelle confusion pour nous, mon cher frère, pour nous, dis-je, à qui les préceptes les plus clairs, les plus exprès sont à peine suffisants, à qui les menaces les plus fortes suffisent à peine pour nous exciter à sacrifier quelque vil intérêt, à immoler quelque passion favorite, que de choses ne pourrions-nous pas faire pour montrer à Dieu notre amour? Et cependant nous n'en faisons rien, nous pourrions soulager ce pauvre dans l'indigence, visiter ce malade, porter du secours à ce malheureux oppressé, mais nous disons aussitôt, qui m'oblige à tout cela? Il n'y a pas de loi pour m'y astreindre. Ah, il n'y a pas de loi, passons là-dessus pour le moment. Mais je dis que si l'amour de Dieu était en nous, nous n'aurions pas besoin de tant de lois. L'amour même serait une loi bien capable de nous stimuler à exécuter cette bonne œuvre pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas là précisément ce que j'avais à vous démontrer dans cette première partie de notre entretien. Il se présente à mon esprit une autre chose à laquelle je ne sais si Marie aura réfléchi. Quiconque voit une femme aller se purifier, est naturellement porté à croire qu'elle est souillée et qu'elle a besoin de purification. Le peuple juif, et spécialement les femmes de cette nation, voyant Marie se diriger vers le temple, auront dû croire qu'elle était souillée aussi bien qu'elle, et qu'elle n'avait pas conçu et enfanté autrement qu'elle. Et cela ne suffit pas pour empêcher Marie de se mettre en route? Mon Dieu! Son amour pour la sainte vertu de pureté fut tel, qu'il l'a mis en quelque sorte sur le point de renoncer à la dignité de mère de Dieu, si pour obtenir cet honneur elle avait dû perdre quelque chose de son éclat virginal, et maintenant elle ne rougit pas de passer pour une femme ordinaire et impure? Ah mon cher frère, le véritable amour de Dieu fait aimer la vertu, mais il n'en fait pas aimer également l'étalage et la pompe. Marie aimait extrêmement la pureté virginale, mais elle n'avait pas la même ardeur de paraître la posséder aux yeux des hommes. Sans doute elle ne voulut, ni ne prétendit jamais donner scandale à qui que ce fût, elle ne prétendit pas non plus tromper par une apparence de péché, pour cela non, mais en même temps, La crainte d'être en butte aux mauvais propos des enfants des hommes ne l'empêcha pas d'exécuter ce qu'elle savait devoir être si agréable à Dieu. Or, c'est en cela précisément que consiste la leçon salutaire qu'elle nous donne. Ayons une sainte générosité, qui nous rende supérieurs aux vains propos des personnes mondaines, et au vil respect humain, quand il s'agit de l'exécution des devoirs auxquels nous sommes tenus, soit par précepte, soit même par conseil. Disons un mot de ces derniers, pour parler ensuite des autres. Combien de fois, mon cher frère, ne vous arrive-t-il pas de passer devant quelque image de Jésus ou de Marie? Vous pourriez alors vous découvrir, faire quelque oraison jaculatoire, mais une ridicule frayeur du monde, le respect humain vous retient. Combien de fois ne vous arrive-t-il pas d'entendre le signal de l'Angélus, le matin, à midi et au soir? Vous pourriez alors vous mettre à réciter la belle salutation qu'adresse à l'archange à la Sainte Vierge, mais si vous vous apercevez que quelqu'un vous observe, vous ne le faites pas dans la crainte d'être reconnu pour une personne pieuse, pour un dévot de l'auguste reine du ciel, comme si cette qualité était une tache d'opprobre et de déshonneur. Combien de fois ne pourriez-vous pas tenir quelque pieux discours, dire ou faire quelque chose d'édifiant en présence du prochain, mais vous vous en abstenez toujours pour le même motif? Ah, s'il en est ainsi, pouvez-vous dire que vous soyez un véritable serviteur de Marie, que vous soyez véritablement son enfant? Dites-le tant qu'il vous plaira, pour moi je n'y croirai jamais. Mais venons-en à ce que nous sommes strictement obligés de faire. Avez-vous quelque habitude criminelle? Vous êtes dans l'obligation de l'abandonner tout à fait. Avez-vous ravi l'honneur de quelqu'un par de mauvais discours, par des calomnies? Vous êtes dans l'obligation de désavouer et de rétracter la calomnie. Avez-vous commis quelque péché grave? C'est une obligation indispensable d'en faire l'aveu le plus sincère au ministre de Dieu dans la confession sacramentelle, et cependant vous n'en avez peut-être encore rien fait. D'où vient, mon frère, que vous vouliez ainsi vous laisser endormir par le démon? Pourquoi demeurer dans ce déplorable état? C'est l'effet d'une vaine frayeur du jugement des hommes, d'un vil respect humain. Que dira-t-on de moi? Dites-vous aussitôt, que dira-t-on, si je quitte tel compagnon ou telle maison, tel cabaret ou tel jeu? On m'appellera peut-être un bigot, un hypocrite, et autre chose semblable. Que dira-t-on de moi, si je rétracte cette calomnie? On me prendra pour un menteur, pour un imposteur, on ne se fiera plus à moi. Que dira le confesseur, s'il entend de moi l'aveu de ses fautes viles et honteuses? Peut-être perdrai-je l'estime qu'il nourrit pour moi. Ah, mon cher frère, si vous étiez désireux d'imiter la Sainte Vierge, vous ne parleriez pas de la sorte. Elle ne regardait pas comme un déshonneur pour elle d'être réputée impure par les hommes, tandis qu'elle ne l'était pas, et vous, vous n'avez pas le courage de paraître souillé, tandis que vous êtes enfoncé dans le bourbier. Que dira-t-on de moi? Qu'on dise ce qu'on veut que vous importe les jugements des hommes. Un seul jugement devrait faire impression sur vous, c'est celui de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui vous jugeront, c'est Dieu. Dites-vous quelquefois avec l'apôtre saint Paul, c'est le Seigneur qui est mon juge. 1 Corinthiens 4, 4. Vous devriez plutôt vous réjouir, quand les personnes mondaines et désœuvrées pensent ou parlent mal de vous, car soyez persuadés que votre conduite ne déplaît tant aux hommes enclins à l'erreur, que parce qu'elle est plus agréable à Dieu, qui ne trompe personne. Je me réjouis, répondit saint Paulin de Nole, Quand on lui rapporta que plusieurs désapprouvaient sa conduite, et la distribution qu'il avait faite aux pauvres de ses immenses richesses, pour se réduire lui-même à la dernière pauvreté, je me réjouis de ne pas plaire à ceux à qui Jésus-Christ ne plaît pas. Voilà ce que nous devrions dire, nous aussi, si nous avions à cœur de nous montrer les vrais disciples de Jésus-Christ, les vrais imitateurs de Marie. Ayons donc la sainte générosité de ne renoncer jamais à l'accomplissement d'un seul de nos devoirs, par la crainte des vains propos et des railleries du monde. Il nous importe surtout d'être animés de cette générosité pour nous tenir constamment éloignés des usages mondains, pour ne pas nous laisser entraîner par le torrent du monde et nous égarer à sa suite dans les sentiers du vice et de l'erreur. Toujours nous devons être armés d'une sainte générosité pour persévérer dans nos bonnes dispositions, mais nous en avons spécialement besoin pendant les malheureux jours du carnaval, tant pour ne pas offenser Dieu, que pour nous conformer à l'esprit de la Sainte Église et aux intentions qu'elle a eues en instituant la fête de ce jour. Le temps de la vie que Dieu daigne nous accorder devrait s'écouler dans les pleurs et les gémissements, à cause de tant de péchés dont nous ne sommes que trop souillés, et fussions nous-mêmes innocents. Nous ne devrions pas encore laisser de gémir sur les périls auxquels nous sommes exposés d'offenser Dieu et de perdre à chaque instant sa grâce. Jamais nous ne devrions déposer la croix de Jésus-Christ, et le fouet de la mortification, 2 Corinthiens 4, 10, nous souvenant que tous, autant que nous sommes, qui voulons appartenir à Jésus, nous devons sans cesse crucifier notre chair avec toutes ses convoitises, Galates 5, 24. De ce qui précède, saint Augustin conclut que la vie du chrétien, s'il a à cœur de vivre conformément à l'esprit de l'Évangile, doit être une croix continuelle, un continuel martyr. Mais si cela devait se réaliser en tout temps, à combien plus forte raison ne devrait-il pas en être ainsi durant les jours qui s'écoulent depuis le dimanche de la Septuagésime jusqu'au Pâques? Le dimanche de la Septuagésime commence le temps proprement appelé de pénitence, et destiné à nous préparer à la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Aussi remarquez que l'Église, à partir de ce dimanche, dépose tous ses ornements de joie, et revêt la couleur violette, en signe de pénitence. Dans le même temps elle fait mention d'Adam chassé du paradis terrestre, et la Sainte Église veut qu'on lise cette histoire dans l'office divin, afin de nous rappeler que cette terre n'est qu'une vallée de larmes pour les enfants d'Adam, un lieu de pénitence et de gémissement. Mais, mon Dieu, que d'autres choses ne sommes-nous pas obligés de voir? C'est dans ce temps précisément que les amateurs insensés du monde ne cherchent qu'à faire tout le contraire de ce que l'Église demande de ses enfants. Toute digue est rompue, tout frein est brisé, toute pudeur naturelle est foulée aux pieds, et l'on voit dans ces malheureux jours l'impiété, le libertinage, l'impudence la plus effrontée, portée en triomphe dans les places, dans les rues, dans les maisons, partout, et par qui? Par ceux qui retiennent le nom de chrétiens, et se disent les enfants de l'Église catholique. Quelles tâches n'impriment-ils pas au nom dont ils sont revêtus? Ils sont cause que ce nom est blasphémé jusque chez les nations infidèles, au point que les Turcs même, comme le remarque Benoît XIV, s'étonne hautement de notre conduite, et voulant, semble-t-il, couvrir du manteau de la charité nos folies indécentes, ils sont réduits à dire que cette conduite extravagante est l'effet d'un mal physique qui nous saisit une fois l'an, tandis que nous mériterions les qualifications les plus ignominieuses et les plus infamantes. Que les gentils qui adoraient, au nombre de leurs dieux, un Bacchus ivrogne, et une impudique Vénus, se comportassent de la sorte, je le conçois, mais que des chrétiens, adorateurs d'un Dieu crucifié pour leurs péchés, en fassent autant, qui jamais pourra le comprendre et le souffrir. Et quel jugement plus favorable pourrait-on emporter, sinon qu'ils ont perdu la tête et sont tombés en complète démence, que leurs actions, à ces mondains insensés, sont donc différentes des intentions de l'Église. Une telle conduite n'est pas moins contraire à la fin pour laquelle l'Église voulut instituer la fête de la purification de Marie, et la procession accompagnée de cierges allumés. Quelle fin en effet eut-elle en vue? Si nous ajoutons foi à Baronius, à Thomasin, à Bayet, et à plusieurs autres savants, nous trouverons que l'Église en cela ne s'est proposée d'autre fin que de faire disparaître la détestable coutume en vigueur chez les idolâtres, de célébrer en ces jours du mois de février les fêtes infâmes dites Lupercales, voyez Benoît XIV, Infesto Purification numéro 10 et suivant. Voici donc ce que l'Église exige de tous ses enfants, voici ce qu'exige la Sainte Vierge de tous ses serviteurs, c'est qu'ils ne se dégradent pas au point de reproduire les fêtes impures de Bacchus et de Vénus, mais qu'ils fassent tout l'opposé. En d'autres termes, l'Église demande de ses enfants, et Marie de ses serviteurs, qu'ils soient chrétiens, et non pas antichrétiens, qu'ils suivent Jésus-Christ en portant sa croix, et Marie en imitant sa pureté, et non pas Bacchus par les débauches, et Vénus par la luxure. Et vous, mon cher frère, quel chef choisirez-vous en ces jours? Suivrez-vous Jésus-Christ ou Bacchus? Suivrez-vous la Vierge Immaculée ou l'impudique Vénus? Vous avez à choisir entre ces deux extrêmes, mais avant de vous décider, réfléchissez. Vous dirai-je avec saint Pierre Chrysologue, que celui qui voudra se divertir avec le diable, ne sera point admis à régner avec Jésus. Choisissez donc celui des deux partis qui vous plaît le plus, rangez-vous sous l'étendard que vous aimez mieux. Quant à moi, voici ma protestation. Laissant leur étendard aux partisans du démon, je choisis pour ma bannière la croix de Jésus-Christ laissant les enseignes de Vénus à qui les recherche, je veux me placer sous le manteau de la protection de Marie. Et moi je veux en faire autant, répondez-vous, mais cependant quelques petites choses, quelques divertissements. Se masquer, non, mais aller voir les masques, quel mal y a-t-il là? Aller au bal, c'est trop, mais assister à une soirée ou aller au théâtre, c'est de convenance, car si vous ne le faites pas, on dira que vous manquez de savoir-vivre, on vous accusera de sauvagerie, peut-être d'avarice. Ah mon cher frère, ce discours me fait assez connaître que vous n'avez point cette sainte générosité que je voulais vous inspirer en ce jour, que, vous importe ce que les gens diront, les désœuvrés veulent toujours trouver à jaser, et ils jaseront éternellement. Croyez-vous que si vous vous rendez au théâtre et dans les lieux de divertissement, ils vous laisseront tranquille, ils vous taxeront peut-être avec plus de raison de prodigalité et de folie. Voyez, diront-ils, voilà que celui-là, qui se vante pourtant d'être bon chrétien, serviteur de Marie, fait encore pis que nous, et laissez parler le montant qu'il voudra, mais tâchez de contenter Jésus et d'obéir à Marie, Jésus vous dit, le monde se réjouit maintenant, mais pour vous, il n'en est pas de même, Jean 16, 20, vous devez être dans la tristesse et les gémissements, ne craignez rien toutefois, bientôt la scène changera de face. Votre tristesse se convertira en joie, tandis qu'au contraire la joie trompeuse des mondains fera place à une tristesse éternelle. Qu'est-ce qui vaut mieux de se réjouir quelques instants, ou pendant une éternité, Qu'est-ce qui est pire de gémir un moment, ou de gémir sans fin? Qu'est-ce qui vaut mieux de se conformer au désir des hommes ou à celui de Dieu? Que faut-il éviter avec plus de soin de la désapprobation des mondains insensés ou de la condamnation d'un Dieu infiniment sage? Qu'est-ce qui vaut mieux, pour tout dire en un mot, qu'est-ce qui vaut mieux de combattre sous les drapeaux de Bacchus et de Vénus, ou bien sous ceux de Jésus et de Marie? Qu'est-ce qui vaut mieux d'appartenir à Dieu, ou au démon? Choisissez, si cela vous fait plaisir. Pour moi, dites-vous, je choisirai de plaire à Jésus et à Marie, mais en même temps je voudrais bien aussi ne pas déplaire au monde. Oh mon frère, vous voulez une chose tout à fait impossible, cette espèce de transaction ne peut avoir lieu. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, Matthieu 6, 24. Non, non, n'espérez pas plaire à Jésus. Si vous n'avez assez de générosité pour surmonter les frivoles épouvantails des candidats du monde, voici donc ce que vous avez à chercher, voici ce que je vous souhaite, une générosité telle qu'elle vous rende intrépide dans l'accomplissement de vos devoirs, au point que vous ne les abandonniez jamais par la crainte des criailleries des mondains. Une générosité qui vous préserve de seconder jamais les usages mondains au détriment de votre conscience et de votre devoir de catholique, d'enfant et de serviteur dévoué de Marie. Ô Marie, notre très douce mère, Vierge très pure et immaculée, qui, quoique telle, ne vous êtes pas laissée arrêter par le respect humain, et n'avez pas laissé de vous présenter au temple, comme une femme impure, obtenez-nous, nous vous en prions, ce saint mépris des jugements d'un monde insensé, et afin que ce mépris soit généreux et constant, obtenez-nous une crainte véritable et salutaire des jugements de Dieu, que cette sainte crainte soit toujours gravée dans notre chair, dans notre esprit et dans nos cœurs, psaume 118, 120. Ainsi nous portions toujours ainsi gravé en nous la crainte de Dieu, nous ne craindrions plus aucune autre chose, car celui qui craint Dieu ne redoutera rien et ne sera épouvanté de rien, Ecclésiastique 34, 16. Songez donc, ô ma tendre mère, à nous obtenir cette sainte et salutaire crainte, qu'elle nous conduise à l'amour divin, à l'amour envers notre Dieu et envers vous, à un amour qui nous fasse mépriser tout autre amour, toute autre affection que les affections saintes et divines. Amen. Markem Dan Archivorg 2023. D'après Books Google et faire licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.